bâtards. Ski qui donne au mic, ski qui dit que j'ai pas ma place. Et qui se fout, qui en cire, que discret n'a plus rien à dire. Fidèle au mien depuis que j'écris, depuis que ma rime est sentie. Je m'inspire des faits qui se passent aujourd'hui. Y'a trop de rappeurs qui chavirent au bide où ils sont partis. Remballe tout car j'y suis mon pote et puis j'y reste. Être authentique dans mon texte et faire cogiter des têtes en sortant l'accent du bled. Toujours au paix même si certains nous ont délaissés. Je garde la pêche comme mon frère qui est incarcéré. Le rap n'a pas été un rêve de gosse et pourtant je me donne à fond comme si c'était mon gosse. Car chez mon tour peut passer que mon groupe peut être déclassé. Bousiller le beat, tu me diras c'est ce qu'on sait faire. Le rap vrai se fait rare comme quand tu me dis que t'es pucelle. Mesure l'intensité de notre haine et vois par toi-même qu'il n'y a pas de limite et qu'on est déterminé. On monte les remparts, on s'arrête pas car l'histoire commence, elle est loin d'être. Mesure l'intensité de notre haine et rien n'a changé. Les langues de pute veulent toujours nous freiner. Bande de bâtards, on s'arrête pas car l'histoire commence, elle est loin d'être. Est-ce qu'à leurs yeux nos vies sont synonymes d'échec? Est-ce que je baisserai mon froc en traversissant mon rap? Non. Hachèque, refus catégorique, même si tu me signes un gros chèque, je suis pas voué à l'échec. 1, 2, check, vu ma prise de voix que je charque. C'est dans l'under que j'espère être un jour au sommet des charts. Prends mon texte comme une preuve ou comme un témoin à charge. Les rappeurs crachent des déchets, le rap devient une décharge. J'annonce que discret revient remettre le rap à la hausse. Ça fait partie des responsabilités que j'endosse. C'est un art que je me dois de protéger comme un gosse. Je reprends le relais comme d'assaut, berge de gré ou de force. Vision rétrospective, ne pas oublier son objectif. Discret c'est de l'artisanat. Au complet sera l'effectif. Notre rap c'est comme de la coque dans l'oreille, vas-y slip. Ça t'éclate tes tempos, bête ton appareil auditif. Mesure l'intensité de notre haine et vois par toi-même qu'il n'y a pas de limite et qu'on est déterminé. On monte les remparts, on s'arrête pas car l'histoire commence, elle est loin d'être. Mesure l'intensité de notre haine et rien n'a changé. Les langues de pute veulent toujours nous freiner. Bande de bâtards, on s'arrête pas car l'histoire commence, elle est loin d'être terminée.